Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Donc, Sophie Laforêt, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Et toi? Oh, ça va super bien. Tu viens de parler des concerts que tu avais en fin de semaine ainsi que les sorties d'albums. Oui, je vais commencer par les sorties d'albums. Donc, les sorties d'hier, 23 oui. février. Pas vraiment dans un ordre particulier. Johanna Newson, qui est en fait une harpiste qui fait dans un folk indie psychédélique. C'est drôle hein, de penser ça, de quelqu'un qui joue de la harpe, mais oui, ça existe. Et c'est elle vient, cool. Ben oui, c'est super cool. Puis ben, elle a une petite voix vraiment aiguë, là, une voix un peu gamine, donc il faut aimer. Il y en a qui n'aiment pas, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, ouais. J'aime à l'occasion. Ah, mais ça vaut la peine. Je vais jeter un œil. C'est la harpe que je trouve qui est un excellent instrument. Donc, si elle en joue bien, ben, ça reste encore mieux. Ouais, et donc, c'est son troisième album qui est paru hier, qui s'appelle Avoine on Me. Et il paraîtrait que c'est un bon album, mais je ne l'ai pas entendu encore. Sinon, une compilation de Johnny Cash. Oh, Johnny Cash. Johnny Cash. Ain't No Grave American Six. Donc, je pense une série de compilations. Ouais, donc, ouais, il ouais. y en a une qui est sortie hier pour les amateurs. Et, ben. Et Le Village de Nathalie. Le village de Nathalie qui est ressorti en CD? Ben oui, écoute, je l'ai mis dans ma liste des sorties intéressantes. Ah mais bon? Je sais pas quoi dire de plus. Alors, on va passer au suivant. Elle parlait avec une boîte à mal hein, pendant cette émission-là. Ben, moi, j'ai de vagues souvenirs. Puis pourtant, c'était comme en plein dans... Moi, ouais, puis... La période culminante de mon enfance. C'est ça, j'ai à peu près la même âge, là. Ouais. Puis moi aussi, j'ai quelques souvenirs. Je sais que... Jean-Luc Mongrain, étais-tu là-dedans? Je sais pas, peut-être que je mélange deux émissions qui se chevauchaient, là, mais je en tout cas, sais pas du je sais tout. Qu'elle parlait avec une boîte à mal, en tout cas, ça, j'en suis sûr. C'est, ouais. c'est tout ce que je me rappelle. Ben, sur la pochette, si je me rappelle bien, il y a une boîte à mal avec un cœur, mais je suis pas sûre. Ouais, ça cas. Doit. Mais je veux vraiment pas trop m'attarder à ça. C'était juste comme tu t'insères une petite blague. Voilà. Et la dernière sortie intéressante, c'est une formation suédoise qui s'appelle Shout Out Louds, qui a fait paraître son album Work, donc troisième album de la formation. Et ils vont être au Cabaret Musical de Montréal le 7 mai prochain. Et ça va être aussi mon sujet de mercredi. Je vais vous parler de cette formation Shout Out Louds. Donc, de mercredi, ben oui, de demain. De jeudi, on est mercredi aujourd'hui. J'ai écrit ça hier, hein, fait que ben, okay, je me suis trompée de jour. Alors, jeudi. Parfait. Et pour en venir donc à la chronique stérotonine en tant que telle, je voulais vous parler de trois spectacles que j'ai vus en fin de semaine. J'ai été gâtée. Ben oui, c'est rare, mais grosse fin de semaine, ben trois oui. shows. Ben en fait, c'est plus deux spectacles, mais il y avait un spectacle qui était composé à part égale de deux artistes. C'était pas une première partie. Puis C'était vraiment séparé. Ouais, là, c'était vraiment séparé. Ah, c'est génial. Oui, donc j'ai vu premièrement Joran au Lion d'Or. Donc Joran qu'on connaît bien. Ben oui. Je pense que ça, tout le monde sait que c'est la dame qui joue du violoncelle et qui invente une langue qui est particulière. Donc, Joran en solo, en plus, qui était seul. Oui, exactement, qui était en solo. Puis ça, c'était dans le cadre du festival Montréal en lumière. Puis Joran, la dernière fois qu'il était venu à Montréal, c'était dans le cadre des dernières francopholies. Mais cette fois-là, il était avec l'Orchestre métropolitain de Montréal, donc avec 70 musiciens et plus. Là, il est revenu seul, en solo. C'est génial, ça. Justement, elle disait qu'elle était nerveuse là, de se présenter seule devant le public. Chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps, quand même. Oui, c'est ça, depuis l'été dernier. Donc, elle était en solo, mais il y a eu à l'occasion donc, un pianiste qui est venu l'accompagner. Puis, la personne qui faisait la personne, l'artiste ou l'auteur-compositeur-interprète qui faisait sa première partie, qui s'appelle Audrey Emery, est revenue durant le spectacle chanter des chansons avec elle. Puis ça l'a apporté beaucoup au spectacle bien d'avoir certain. Une deuxième voix. Puis c'est une belle découverte aussi, Audrey Emery, pour ceux qui aiment le folk du genre un peu Annie DiFranco, pas Kaki King, mais plutôt Kinney Starr. Donc, une voix super chaleureuse. C'est intéressant, vous pouvez aller écouter son MySpace, le www.myspace.com/Audrey Emery. Emery qui s'écrit E-M-E-R-Y. Ah, ben génial, on va aller jeter un œil. Oui. Une oreille. Ben oui, une oreille. Puis donc, pour faire un petit résumé du spectacle... C'était vraiment intéressant. Joran, qui est une dame très chaleureuse, qui aime beaucoup nous inciter à entrer dans son imaginaire. Ça, c'est un côté que j'aime un peu moins. Je suis pas très... Ouais, je sais pas. On dirait que je rentrer dans la bulle de l'artiste. Tu veux pas... Ben, c'est pas tant d'entrer dans la bulle de l'artiste. Je vais te donner un exemple. En début du spectacle, elle a dit... c'est vraiment une question de goût. Là. Je veux pas juger l'approche du tout. C'est vraiment moi, Sophie Laforêt, dans mes goûts, ça me plaît moins. Au début du spectacle, elle a dit « Imaginez-vous que... chaque personne autour de vous est une étoile. » que vous êtes au milieu d'un ciel étoilé. Imaginez-vous que vous êtes un grand voilier avec de grandes voiles et je serai le vent pour vous transporter. Tu sais, je sais pas. C'est un peu moins ma tasse de thé, mais... Ben, c'est parce que t'imposes en même temps à ton auditeur une ambiance que l'auditeur n'a pas nécessairement le goût d'avoir, tu sais, je veux dire... Ben, t'imposes, de quoi, suggères. Suggères, mais quand même, tu suggères fortement, tu sais, en disant sur scène comme ça, là, je veux dire... Non, c'est juste que c'est pas trop mon truc. T'sais, moi, je suis pas très univers fantastique, magique. Moi, j'aime bien, tu sais, je vais écouter le spectacle, puis le spectacle va m'emmener où il va m'emmener. Mais t'es pas obligé de me dire à l'avance où toi, tu veux que ton spectacle m'amène. OK, ouais. En tout cas, mais comme je te dis, c'est vraiment une question de goût. Puis tu penses que ça fait partie un peu de l'univers de Joran qui, tu sais, justement, elle a une langue inventée. Donc, tu sais, c'est un peu abstrait. Faut pas être trop rationnel quand on va écouter Joran. Puis ses albums sont comme ça aussi un peu. Puis voilà, fait que c'était vraiment un bon spectacle. C'était la première fois que je la voyais, elle qui a fêté ses 10 ans de carrière en 2009. Donc, ça fait déjà 11 ans qu'elle est sur la scène, Joran. Ouais, puis avec un produit qui est un produit, plutôt une démarche qui est unique. Je veux dire, c'est particulier ce qu'elle fait. Donc, c'était bien, on a chanté, on a fait des chorales avec elle, elle nous a dirigés, elle a joué du violoncelle, elle a fait une chanson a cappella, sans micro, avec Audrey Emery. C'était vraiment très, très chouette, très chaleureux. Puis, elle avait un instrument qui était comme une espèce de support avec des bouteilles renversées auxquelles étaient fixées des cloches. OK. Puis, quand elle appuyait sur les cloches, il y avait une lumière qui s'allumait dans les bouteilles. Ah, oh, ben. Donc, ça avait été conçu expressément pour Montréal en lumière. C'était un bel instrument. C'est cool. Et ben oui, c'était super cool, j'avais jamais vu ça. Puis donc, on va l'entendre une pièce de Joran, une pièce très très courte qui s'appelle Vent fou, tirée de son premier album. Puis elle a eu la chance de la faire, cette pièce-là que j'aime beaucoup. Puis je vous dirais que ça m'a manqué un peu, les pièces des premiers albums dans ce spectacle-là. C'est concentré sur les plus récents. Alors on entend Vent fou de Joran, tirée de son album du même nom. On s'en va écouter ça dans le cadre de Stéréotonine. On s'appelle et on déjeune jusqu'à 9h. Voici Joran. C'était « Vent fou » de Joran. Et oui, cette chanson-là est en français. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a une troisième langue. Donc, elle chante en français, parfois en anglais, et dans une langue inventée qui est comme des bruits, finalement. Oui, ben j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ça, justement. Je chante en français. J'ai jamais entendu de Joran. J'ai pas d'album de Joran chez nous non plus. Je connais plus Moran. Non, c'est pas vrai. Mais donc, c'était quand même très intéressant et ça me donne le goût d'essayer. Et juste avant qu'on continue, là, je suis allé voir sur Wikipédia la distribution du village de Nathalie. Et non, Jean-Luc Mongrain n'était pas là-dedans. C'est vraiment ma mémoire d'enfant qui me fait défaut. Ça aurait sûrement été meilleur avec Jean-Luc, mais en tout cas. Ben, ça devait jouer juste avant, dans le temps qu'il faisait mon grain de sel. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. Puis, donc, je vais parler tout de suite du deuxième spectacle. Donc, le spectacle, comme je disais, qui était composé de deux artistes suédoises, donc El Perro del Mar et Taken by Trees. Donc, El Perro del Mar, en fait, c'est Sarah Asbring. J'en fais beaucoup jouer là, à Chérie Mes Coutus de ces deux dames-là. J'adore vraiment ce qu'ils font. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est des réguliers. Oui, des réguliers, mes chouchous. Je leur donne ma carte chouchou. Donc, El Perro del Mar, qui est une artiste suédoise qui fait de la musique depuis 2003. Elle a trois albums à son actif. Et c'est un genre des années 50. Peut-être que toi, tu connais plus la musique de cette époque-là. Moi, je connais pas vraiment. Mais tu sais, un peu Petula Clark, mettons. Ah oui, Petula. Je l'adore. Ouais, tu sais, mais plus mélancolique. En fait, ce qui est écrit sur Wikipédia à propos d'El Perro del Mar, c'est qu'elle fait dans un lo-fi twee-pop mélancolique. Du lo-fi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression-là. Puis, donc, c'est comme une musique, là, tu sais, on a envie de claquer des doigts, puis de... Je sais pas, c'est un peu rétro, c'est ça, comme Petula Clark, un peu. Mais c'est bien. Puis, je vais vous faire entendre la pièce, moi, qui m'a tout de suite fait aimer El Perro del Mar, c'est God Knows, tiré de son premier album éponyme, paru en 2006, donc on va entendre ça sans plus tarder. Vous êtes à l'écoute de C'est fou 89.1 FM, c'est présentement la chronique stéréotonine de Sophie Laforêt. On s'appelle et on déjeune jusqu'à 9h. Alors, c'était pas Petula Clark, c'était El Perro del Mar avec la pièce God Knows, tirée de son album éponyme paru en 2006. Ouais, c'était très intéressant, tu viens de me donner le goût. Là. Ah, c'est tellement bon, là. Ouais. Moi, en tout cas, j'aime ça. Je vais jeter une oreille plus attentive là-dessus. Parfait, parfait. Puis j'espère que tu vas me donner tes commentaires après. Bien, certain. Donc, on s'en reparle. Puis, donc pour parler en fait du spectacle, je voudrais que ma principale déception va paraître un peu drôle. Tu sais, quand tu vas voir un spectacle puis t'as l'impression que t'es comme tout seul à être énervé puis que le monde est comme pas très dedans. Son relax. C'est pas le temps d'être relax dans un spectacle. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas de la musique là à se garrocher ses murs, hein, en bon français, mais je veux dire, c'est je sais pas, me semble, moi, j'apprécie quand même tout le temps. Je me dis, moi, quand j'achète un billet de spectacle, c'est parce que j'ai hâte. Ben oui. C'est parce que j'ai le goût. Puis quand je suis là, ben moi, je tapais dans les mains, je claquais dans les doigts, je dansais un peu. Puis là, je me rendais compte que tout le monde autour de moi était comme vraiment immobile, Puis tout le monde jasait là pendant que les artistes jouaient. Je trouvais ça comme... J'étais comme, allô, c'est pas un band local. Puis je veux pas dire que parce que c'est un band local, t'as le droit de faire ça non plus. Mais en tout cas, fait que c'était ça ma déception un peu. Il devait trouver justement que t'étais pas assez... t'avais pas assez de retenue pour écouter cette musique. Ça devait être un peu prétentieux dans ce coin-là, non? Ben, je dirais pas rien, mais en tout cas, non, moi, j'étais pas retenue, puis c'est ça qui est ça. Moi, quand je vais avoir un spectacle, c'est parce que j'ai le goût. C'est bien normal. Puis c'est ça, donc si vous appréciez le genre, il faut aller voir aussi sur YouTube, il y a plein de vidéos de El Perro del Mar, c'est vraiment chouette. Puis, il y a probablement un MySpace aussi. Oui, également. Un MySpace, une page Adep, Facebook et compagnie. Puis la deuxième partie de ce spectacle-là est assurée par Taken by Trees, qui est un peu dans le même genre, mais je dirais que là, le dernier album est beaucoup plus musique du monde parce que l'artiste est allé au Pakistan entre son premier et son deuxième album. Donc, son deuxième album a beaucoup d'influence pakistanaise, musique un peu de l'Europe de l'Est. Et donc, c'est ça, une très bonne formation encore une fois. Je vous dirais que peut-être les gens étaient un petit peu plus intéressés par Taken by Trees que par El Perro del Mar. C'est ce que j'ai senti un peu, mais ils proposent pas exactement le même truc. Puis, Taken by Trees, c'est Victoria Bergsman. Puis peut-être que vous avez entendu, je sais pas si ça dit quelque chose, je t'ai dit Peter, Bjorn and John qui avait fait la pièce Young Folks. Exactement. Je suis pas capable de siffler, moi, mais ouais. En tout cas, on le sait, c'est quoi, là? Non, ben, ça, c'était Kung Fu Fighting que t'as fait. Ah, en tout cas. Mais, ouais, tu sais, la fille qui chante dans cette pièce-là, c'est elle. Okay. Donc, c'est une amie du groupe, là, bref, puis elle a son projet aussi. Puis elle fait aussi dans une espèce de rétro, twee, pop. Tu sais, c'est léger, là, c'est joyeux. Il n'y a pas de quoi être déprimé quand on écoute ça. Quoique les paroles, la trame sonore de littéraire des paroles, c'est beaucoup les ruptures amoureuses de ces deux artistes. Donc. Ah, mais ça, c'est du carburant en chanson. Oh, qu'on aime ça. C'est triste. Bon, on va aller entendre une pièce donc de Taken by Trees pour conclure l'émission. Eh oui, on doit se quitter. On doit se quitter déjà. Donc, on va entendre la pièce Lost and Found tirée de son album Open Field qui est paru en 2007. Si vous aimez Animal Collective, elle a aussi fait une reprise de leur pièce My Girls à découvrir qui s'appelle My Boys dans son cas. Eh bien, donc, on va aller entendre ça. C'est la fin de Stereotonine avec Sophie Laforêt. Took myself out walking, by the evening I was running. I hadn't done this for a long while. My friends said cheer up, it was high time. But can't you see I'm lovesick? I need a cure, so bring it real quick. This time I'm fearing heartbreak. Look at the time, it's almost daybreak. Well, I don't wanna settle down. I don't wanna leave this town. I'm feeling lost and found. Am I wild, wild, wild? Satisfied, you can tell this looking in my eyes. She looks like a lovely piece of art, but pills plus must tear us apart. Took myself out walking, but evening I was running. I hadn't done this for a long while. My friends said cheer up, it was high time. Oh, can't you see I'm lovesick? I need a cure, so bring it real quick. This time I'm fearing heartbreak. Look at the time, it's so daybreak. Oh, I don't wanna settle down. I don't wanna leave this town. I'm feeling lost and found. Am I wild? Aren't we wild, wild, wild?